Ça fait se dit Eso hace. On nomme le sujet. Donc, ne traduisez pas ça. Le ça, le sujet, on va l'utiliser quand on veut donner de l'emphase. Comme c'était le cas pour dire ça c'est une bonne idée. Eso es una buena idea. Là, on utilise le sujet parce qu'on veut insister sur le fait que cela est une bonne idée. Tandis que ici, il ne faut pas. Ça fait, se dira tout simplement. Hace. D'accord, hace. En français, pour préciser depuis combien de temps quelque chose a lieu, on peut dire par exemple, il y a 10 minutes ou ça fait 10 minutes. En espagnol, ce ça fait, il y a, se dit hace, du verbe hacer. Donc, on emploie comme en français le verbe faire, hacer. Et donc, ça fait 10 minutes, c'est-à-dire il y a 10 minutes, se dit hace 10 minutos. Donc, acaba de salir hace 10 minutos, ça serait il vient de sortir il y a 10 minutes. Alors, reprenons l'expression je viens de. Comment dit-on je viens de le voir? Acabo. Acabo, oui. De le voir. De verlo. Bien, dites-le encore une fois. Acabo de verlo. Encore une fois. Acabo de verlo. D'accord, donc, acabo de verlo, je viens de le voir. Et je n'ai pas faim parce que je viens de manger. Oui, no tengo... Hambre? C'est ça, hambre, no tengo hambre, je n'ai pas faim, parce que je viens de manger. Porque acabo de comer. Encore une fois, et cette fois-ci, tout d'une traite. Porque acabo de comer. Parfait, no tengo hambre, porque acabo de comer. Et je viens d'arriver, il y a 1 heure. Acabo de llegar. Bien, acabo de llegar. Il y a 1 heure, c'est-à-dire, ça fait 1 heure. Hace una hora. Bien, acabo de llegar, hace una hora. Dites maintenant, je viens de l'acheter il y a 2 semaines. Acabo de comprarlo. Acabo de comprarlo, oui. Il y a 2 semaines, c'est-à-dire, ça fait 2 semaines. Hace. D'accord, hace, il y a, ça fait 2 semaines. Hein? Deux se dit dos. Ok, dos. Semaine, hein? C'est presque le même mot qu'en français. Oui, semana. Semana, hein? Exactement, semana. Donc, au pluriel, hein? 2 semaines. Dos semanas. Dos semanas. Le S final du pluriel doit s'entendre en espagnol. Donc, on doit clairement entendre. Dos semanas. Hein? Dos semanas. D'accord, donc. Acabo de comprarlo hace 2 semanas. Alors, encore une fois. 2 semaines, c'est... Dos... Dos, oui. Semana. Semaine au pluriel, hein? Ah oui. Semaine au pluriel, c'est... Semanas. C'est ça. Semana, c'est semaine. Mais pour dire semaine au pluriel, en espagnol, on doit entendre le S final du pluriel. Donc, semaine au pluriel, c'est... Semanas. C'est ça. Hace 2 semanas. Donc... Hace... Hace... Hace 2 semanas. Semanas, semanas. D'accord. Acabo de comprarlo hace 2 semanas. Je viens de l'acheter il y a 2 semaines. Nous voici parvenus au terme de notre méthode d'espagnol. Félicitations. En quelques heures, vous avez déjà acquis des connaissances qui vous permettront de communiquer et de vous exprimer en espagnol en formant vos propres phrases. Si vous désirez continuer l'apprentissage de l'espagnol, vous pouvez le faire avec notre méthode de perfectionnement. Bon apprentissage !